province. Faut vendre du shit pour survivre. Ici les chiffres ont chuté, on s'attend plus aux surprises. Même les pieds enracinés, on s'enlise. Je continue ma route de Beauval aux centres-villes. Comparaison souvent pour des délits mineurs. On nous emmène dans un monde où il faut jouer des mineurs. Entre peine et misère, tu peux voir tomber un proche. On pollue l'atmosphère, on se noie dans l'alcool. Issu d'un monde où la province ne n'est rien. Au contraire des grandes villes, on est traité comme des chiens. Issu de là où l'injustice nous perturbe. On nous fait tomber pour qui la justice nous perdure, y perdure. De s'en sortir sans thune, on a le regard sur le ciment. Les pieds dans l'amertume si je m'évade. C'est pour tracer mon chemin, pour vous dire combien la rue m'a fait croire au lendemain meilleur, des lendemains de rêve. Les jours d'après se heurtent, donc les lendemains m'énervent. Plus les jours passent, plus je rêve d'être un prince, ça c'est normal. Je suis issu de la province où le train passe, et le temps ne passe pas. Je trépasse mon stress et ma tête, je la déplace pas. Je veux un minimum afin de devenir minime. Bienvenue là où ça chauffe pour des degrés minimales. L'envie d'être célèbre, paraître être soi-même. On se démène, se déchaîne entre galère et PlayStation. On prend le bus à la même station. Start à continuer le rap, on se raconte des histoires. Mec à cantiner le rap. Certains pensent sortir en parlant sur nous. Sachez que vous êtes criés au fil des filatures. Traîner devient l'habitude, on change pas notre attitude. On traverse nos dimanches en mode dirt attitude. Écoute la vérité d'un rap en manque d'inspiration. J'esquive les inspects, ce depuis tout petit. Je suis créatif, j'esquiverai pas ma hive. Je pourrais écrire un livre tout en mouillant le maillot. Casquette sur ma tête, Zera, blanche basket. J'en aille la pierre à la main en mode Heineken. Donne-moi 100 balles, mon cœur s'emballe, faut que je m'évade. Avant que le coup parte, ma rime tape sur une cymbale. Sans symbole, je réclame la paix. Ma planque a été fouillée. J'ai trop la haine, faut que je bouge, rime en tête. Pour trouver des textes, des choses qui me perturbent. Faut faire bouger les têtes. Mon rap s'enflamme telle une bougie. Mes récits tombent, c'est toujours nécessaire pour les réciter. Issus de la province, je reste sincère, je reste authentique. Et ça fait mal si je marche de travers, c'est que je dérape. Et des fois je cherche mes défauts, je commets des fautes. Alors j'obtiens même pas de comète. Plus les jours passent, plus je rêve d'être un prince. Ça c'est normal, je suis issu de la province. Aïe, Torka 2010, hein.